s'accrocher et se laisser couler. La plaie dans la psyché qu'il lèche, il rabâche, rêche et sa trachée. Plus moyen de s'échapper, même en enchaînant les cachets, il devient méchant, marmonne et méché, cherchera les chauffourées jusque dans les supermarchés. Le dernier lien charnel, la tentation des échoués, chercher les points dans la tronche pour être à nouveau touché.